En mai, fais ce qu'il te plaît. Speed! Téléphone! Maman a toujours aimé les raccourcis. Faustine en entier, c'est trop long, moins efficace. La preuve, sa fille accourt et arrache le combiné si élégamment offert. Allô? Bonjour. Ah, cette voix reconnaissable entre toutes. Bernard, mais où es-tu? À Cannes. C'est pas vrai. Et si, j'ai une semaine de vacances. Je t'enlève? Tu parles. Attends, je demande pour la forme. Maman? Oui. Bernard est à Cannes, il a une semaine de vacances. C'est bon, j'ai compris. Après tout, puisque les commandes de la fête des mères sont expédiées, je n'ai plus besoin de toi. Va chercher ton Jules et présente-le nous, qu'on voie ce qu'il a dans le ventre. Ensuite, vous pourrez filer. On dirait que Faustine a 10 ans et qu'elle veut sortir avec un camarade de classe. Merci, maman, dit-elle en reprenant le combiné. Je te rejoins, mon amour. Où seras-tu? Au buffet, en face de la gare. Ok, j'arrive par le premier quart. Va, cours, vole, la Faustine qui a la chance d'attraper une correspondance. Bernard l'attend. Il a loué une petite Renault 5. Il faut un léger temps d'adaptation aux deux amants avant de réaliser qu'ils sont bel et bien réunis. 3 cafés plus tard, il remonte à Grasse, histoire de présenter l'élu, comme l'a exigé la reine-mère. Bahama, on fait les choses en grand. Apéro, petit biscuit. Par contre, ils ne retiendront pas le jeune couple à déjeuner. Heureusement, pense Faustine, qui ne souhaite pas rester une seconde de plus que ne l'exige la stricte politesse. Bernard, aussi pressé qu'elle, répond au feu roulant des questions paternelles, poliment, mais sans s'attarder sur les détails. Papa, qui s'attendait peut-être à ce qu'on lui demande tout de go la main de sa fille, semble légèrement déçu. Enfin, les jeunes gens se retrouvent à l'air libre. Ils passent par le studio de Faustine, ramassent une robe du soir, un maillot de bain, une brosse à dents. En route. Premier arrêt, Juan-les-Pins. Ils trouvent une chambre d'hôtel. Facile, hors saison. Explorant les environs, ils montent au phare de la garoupe, admirent la vue, redescendent entre deux baisers au bord de la Grande Bleue. Sillonne la plage, ziote les voiliers du vieux port. Le soir venu, le couple s'installe sur une terrasse. Faustine conservera sa vie durant le polaroïd pris ce soir-là par un photographe ambulant. Ils y arborent cet air un peu niais des amoureuses en goguette. Elle a choisi la bouillabaisse, lui la soupe au pistou. Ils se racontent dans le détail tout ce qu'ils ont vécu depuis leur séparation. Faustine décrit, avec une cruelle méticulosité, les circonstances précédant son départ de Bâle. Ces minutes insupportables de suspense pendant lesquelles elle a tenté en vain d'inverser le cours de leur destin. Bernard, de son côté, raconte ses larmes de rage sitôt tournées le coin de la rue le jour de leur séparation, son immersion dans le travail ensuite, espérant dépasser son chagrin. Il n'a commencé à revivre que lorsque son patron, brave type dont Faustine se souvient bien, lui a accordé une semaine de vacances. Oh, comme il les a rêvés et préparés ces quelques jours. Et le voilà. La nuit sera à la hauteur de ses espérances. Ce n'est qu'au matin que les amants, rassasiés et comblés, s'endormiront, épuisés. Oh, le beau cliché. Les jours suivants, les jeunes gens bénéficient d'une météo clémente, conforme à leur humeur extatique. De Juan-les-Pins à Saint-Raphaël, de Sainte-Maxime à Port-Grimaud, de Saint-Tropez à Bormes-les-Mimosas, que de saints, ils se baladent main dans la main, construisant des châteaux en Suisse allemande. Toujours, ils trouvent des hôtels sympas, des bistrots idoines. Ils n'ont que l'embarras du choix, étant accueillis partout avec la bienveillance que s'attirent tous les amoureux du monde. Les gens leur sourient, les serveuses leur racontent leur vie, ou celle de leur petit dernier. Même les flics sifflotent sur leur passage. Ils rayonnent un tel bonheur qu'ils font concurrence au soleil. Quant à la lune qui éclaire leur débat, c'est Mars, quelle concurrence, la planète rouge. Plus question de Saint-Trucmuche. En 3 jours, les ruelles d'Aubagne, les quais de Port-Grimaud, les collines du Lavandou n'ont plus de secret pour eux. Ils approchent de Toulon, leur destination. Bernard retrouve avec plaisir les environs de son ancienne caserne et montre à Faustine le type de bateau sur lequel il a embarqué il y a déjà 10 ans. Il est resté 5 ans dans la marine, n'a pas souhaité prolonger son contrat. Faustine l'envie d'avoir navigué sur toutes les mers du monde. Tahiti, Nouméa, mais aussi l'Australie, l'Asie. Que d'exotisme, avant de croiser sa route à elle, dans un camion cette fois. Faustine aurait bien aimé le voir en uniforme avec son bonnet à pompons. Il devait être trognon. Viens là que je te montre qui est trognon, rugit-il en la poussant sans ménagement sur le lit. Tu sauras qu'on ne se moque pas de moi impunément, mademoiselle. Tu ne perds rien pour attendre. La semaine a passé, la mort dans l'âme, ils reprennent le chemin de grâce. Paradoxalement, le précédent créé par ses vacances rend moins dure cette nouvelle séparation. Soucieuse d'écarter de futurs malentendus, Faustine recommande à son chéri de ne pas oublier la maxime « loin des yeux, loin du cœur ». Non qu'elle soit beaucoup sollicitée, mais qui sait. Un petit rappel ponctuel de son intérêt ravivra le souvenir de ces moments exceptionnels. Bernard jure de lui écrire plus souvent et de revenir bientôt, dès qu'il aura refait quelques économies. Ha ha ha. Faustine sourit. Elle sait que son amant tient à elle. Un jour, ils se retrouveront pour ne plus se quitter. Malgré tout, elle y va de sa petite larme au moment des adieux. En regardant la Renault devenir un petit point noir à l'horizon, la jeune femme se promet d'occuper sa solitude intelligemment jusqu'au retour de son amoureux. Pourvu que le temps file. Dans l'immédiat, passait son code. Déjà, elle s'était entraînée avec son camionneur chéri. À domicile, elle peaufine, s'inscrit, sitôt qu'elle se sent prête. L'examen a lieu tout en haut de grâce, dans un immeuble administratif quelconque, surplombant une volée d'escaliers. Le jour J, Faustine se présente, choisit un siège sur les gradins face à l'écran géant, s'installe. On leur montre des photos. Ils sont censés mettre des croix dans les cases adéquates. Sur les 4 fautes autorisées, elle en fait 2. « Bonne moyenne », se dit-elle en remerciant l'examinateur d'un petit sourire triomphant. Elle ramasse son accessite et hop, un truc de plus en moins. « À moi le permis !» Faustine sort de l'édifice et, oh surprise, en descendant les escaliers, elle aperçoit au bas des marches son fantasme d'antan. Le cow-boy, c'est quoi son nom déjà, qu'il avait si cruellement snobé à Toranque le Noël de ses 16 ans. Celui à qui elle doit sa première vraie cuite. Il est là, qui pleurniche, au milieu d'une cour de greluche empathique. Lui, le code, il l'a loupé, c'est sûr. Bien fait, jubile Faustine, sans le moindre scrupule, en prenant la tangente. 2 heures plus tard, elle obtient son premier rendez-vous d'auto-école. Par un lumineux samedi de juin, Faustine attend son instructeur devant l'école. Quand enfin la voiture se gare sur la petite place, le son explose avant l'image. « Ah, cette odeur de vache! Je ne la supporte pas! Au secours !» Le coup de gueule fait éclater Faustine de rire. La monitrice bondit de la voiture école comme un diable de sa boîte, ouvrant porte et coffre en grand afin d'assainir le véhicule au plus vite. « Comment ça, la vache ?» interroge Faustine. « La vache, comme l'animal du même nom. Les bouses, les odeurs corporelles de lait aigre, les effluves de mal lavé, le fromage, ce genre-là, vous voyez ?» Ma cliente précédente est un cas d'école. Elle vient tout juste d'accoucher. « Excusez-moi. Bonjour, je me présente. France, à votre service. Ne m'en veuillez pas, la désinfection prendra 5 minutes. Je serai incapable de vous faire le cours dans ce fumet. » Sortant un aérosol odeur lavande de son sac à main, la jeune femme termine le travail en aspergeant copieusement sièges et habitacles. Voilà, c'est fait. À vous, entrez, installez-vous, adaptez votre siège, mettez votre ceinture. Les mains sur le volant à 10h10, on tourne la clé de contact, un coup d'œil dans le rétroviseur, c'est parti. On ne saurait si bien dire. C'est effectivement pour Faustine le départ d'une très grande passion, automobile.